Serge, ma kubi la troisième. Nazala kinani non na beya, et dosé lion pamelo pandi, platine de lion beauté. Nazala kina tantina na maya, na lobi tantina na kei pari, kota la Jean Serge. La troisième, la zala kina nino na bea, et dosé lion pamelo pandi, platine de lion beauté. La zala kina tantina na maya, la lobi tantina na kei pari, kota la Jean Serge. Et sous moi na ya maman Adele, yo passe pour un bon antille, coca ni sa mingite au dio. Zamba Congo a combattu la yo oh. Oh Colomba yeli Camboyo, Gaïta tina na kole la ye. A kozonga de mon colonilie, pe baba tu bazali na mokuya. A koyande mon colonilie, kaleto tindi a pesa yembote. La musique n'a pas de frontières, Congo Kinshasa Bako Yambaye. Et sous moi na ya mama Adele. Yo passe pour un ponantie, Kokani sa mingite odie, Zamba Congo a kobate la yo. Oh kolo baye li kamboyo, Gaitantina na kole la ye. Ako zonga de mon kolonimie, Pe baba tu bazali na mon kuya. Mwana ya mama Adele, yo passe pour un ponantie, Koka ni sa mingite odie, Zamba Congo a kobate la yo. Oh.